écoute. Voici le moment que vous attendez tous. Le grand concours de danse du Boogie Disco Club qui nous permettra d'élire le meilleur danseur ou la meilleure danseuse de l'année. Alors choisissez votre partenaire. On y va. J'arrive, j'balais la piste avec mon pantalon pas de def. Dans mes vœux, j'pas de def. Rien que du naturel, j'défonce. Avec mon afro, j'dépoussière les lustres. J'suis le monsieur propre pour les dames. Pour les discours qui l'illustrent. Mais y'a pas que ça. J'ai le rythme dans la peau. T'inquiète, j'max. J'déhanche sur la funky comme d'autres danses. Sur le mac aussi. Je brille à l'Atlantique si tu le sais pas déjà. Coursi, on me dit goût jacuzzi. Ça chauffe plus qu'un jacuzzi. Évidence autour de moi, les mauvaises langues, les disputes. Faut dire que j'ai les premiers choix. Tantôt restissent les disputes. Mec, tu boutes comme un yakou, ça te marque tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, cousin? Est-ce ma faute si danse bi, j'suis un yakou, ça. Qui se passe dans la place? Si c'est toujours fair play, jamais d'embrouille, bien que des occasions, je m'en sois offert plein. Quoi qu'il arrive, rien ne nous oppose et rien ne nous divise. La musique nous réunit autour d'une seule et même devise. Frappe des mains au lieu de frapper sur ton refrain. Kiffe l'ambiance de la soirée, tant que tout ça c'est pas à mes frères. Tout le monde les bras en l'air, crie. Hey, oh, aïe. Frappe des mains au lieu de frapper sur ton refrain. Kiffe l'ambiance de la soirée, tant que tout ça c'est pas à mes frères. Tout le monde les bras en l'air, crie. Pompe brille tellement, quand je me penche, je me vois dedans. Quand chouris une étoile scintille des caparesses, mais dedans. Tout est calculé du stylo au costume à paillettes. Pour sûr, j'en jette plus qu'une nuit de Noël aux galeries Lafayette. Miss mon regard, chacal, la faillite, crevez l'œil. Je trouverai la faillite, traquerai partout qui t'a risqué la faillite. Je mettrai le prix car avec Cookie, chaque but est marqué. Comme Bismarcky, j'en jette avec mon style et mes jambes arquées. Miss vient dans mon aparté, je bouge comme James Brown. En aparté, mes rivaux crisent et même ceux que j'aime se prendre. Copier, jamais égaler ceux qui m'imitent sans les 10. Dans cette compète de haut niveau, ceux qui me défient passent sans les 10. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter le grand gagnant de ce concours de danse ce soir. Je vous demande d'applaudir. Frappe des mains, au lieu de frapper sur ton refrain. Kiffe l'ambiance de la soirée, tant que tout ça c'est pas à mes frères. Tout le monde les bras en l'air, crie. Aïe. Frappe des mains, au lieu de frapper sur ton refrain. Kiffe l'ambiance de la soirée, tant que tout ça c'est pas à mes frères. Tout le monde les bras en l'air, crie. Maintenant ça se tape vraiment. C'est vrai, les jeunes ne dansent plus, même sur ce vieux refrain. Est-ce que tu sens l'orage dans l'air?